Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abbat, réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a comme un doute, la sensation désagréable qu'on veut nous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Alors forcément, il y a l'envie d'aller voir de plus près pour se faire une idée, voir comment on trie, on bosse, on turbine ou on taffe, découvrir le monde merveilleux des travailleurs indépendants et voir si cette liberté qu'on nous vend n'est pas une forme de dépendance. Bref, garder un œil sur le loup qui guette au coin du bois et aller voir du côté des villes sinistrées où l'on devient un livreur mal payé qui risque 100 fois sa vie pour des mauvais sushis. Alors pour commencer, les personnages. Des jeunes gens qui rêvent de travailler, d'autres qui cumulent plusieurs emplois dans la journée, un sociologue qui se souvient de la Révolution française, des associatifs qui se mobilisent, un commandant de bord indigné, une journaliste qui tient à son statut de salarié et un livreur qui ne veut pas se soumettre. Ensuite, le décor. Le souvenir de Zola et des journaliers, une usine fermée, les rues d'Aulnay sous bois, le bon vieux capitalisme, le MEDEF et son projet de société, l'entrepreneuriat comme un objectif, un brin de salariat déguisé et le souvenir des meutes passées. Aujourd'hui, deuxième épisode, chacun son point de vue. Le salariat, c'est 93% de la population active aujourd'hui. Gérard Philoche. La bataille entre indépendants et salariés, elle sera gagnée par le salariat. Uber contre les taxis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Écoutez, c'est pas le sujet. L'urgence, c'est de prendre les devants. Pour que ce soit pas la jungle, ce moment, cette transformation, ça peut être une chance pour la France et les Français. Ça peut être le moment français. La France a tous les atouts pour réussir dans un monde qui est en révolution. Et je crois que cette économie du numérique va bouleverser toutes les filières. Et ce qu'on veut, c'est des salariés heureux, motivés, épanouis, mais employables. Il y a des chauffeurs de taxi qui ont acheté des licences à 240 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour pouvoir travailler? Et on les met d'un coup d'un seul en concurrence avec des gens qui n'ont aucune obligation, qui n'ont aucune norme à respecter, qui n'ont jamais acheté aucune licence de quelque nature que ce soit. Alors il y a des moyens de régler le problème. En Italie, ils ont réglé le problème en accordant aux chauffeurs de taxi une deuxième licence gratuite pour leur permettre de démultiplier leur outil de travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette concurrence, elle est déloyale. Elle est illégale. Et la réalité, c'est qu'en Emmanuel effet, Macron. Il travaille parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais il rentre dans la dignité. Il trouve un travail. Il met un costume, une cravate. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Aujourd'hui, tous patrons. Rémi Douat, Martine Abbat, Assia Khalid. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est une sortie. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Allez, au boulot et un peu vite! On commence à encadrer le travail en France à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de l'adoption du livre 1 du Code du travail en 1910. Claude Didry, sociologue. Et au terme d'un ensemble de débats qui se situe, disons, dans les années 1890-1900. C'est le résultat d'un processus, parce qu'il faut s'imaginer que le 19e siècle, c'est un siècle de révolution, marqué par la digestion de l'héritage de la Révolution française. On digère cet acquis du code civil, que constitue le louage d'ouvrage, que constitue la reconnaissance de l'ouvrier, nous dit le code civil dans son article 1799, comme entrepreneur en ce qu'il fait. Et donc, dans la Révolution française, pour les ouvriers qui participent aux événements révolutionnaires, c'est une victoire qui résulte de la liberté de s'organiser, de la libération des emprises corporatives, mais en même temps, c'est la découverte d'un univers de concurrence, c'est la découverte de ce que la Révolution de 1848, grande révolution ouvrière s'il en est, va nommer le marchandage en tentant de l'expulser de la vie économique sans véritablement y parvenir. Le marchandage, c'était le fait qu'il y ait des intermédiaires entre celui qui demande des bras et celui qui loue ses bras. Mais absolument. Et c'est quelque chose qui renvoie à cette base juridique que constitue le louage d'ouvrage. Parce que le louage d'ouvrage, c'est cette idée qu'un ouvrier s'engage à réaliser un ouvrage pour un négociant. Moi, j'ai pris comme exemple un peu idéal typique celui des canuts lyonnais, qui sont ces chefs d'atelier qui travaillent à leur domicile, qui possèdent leur métier à tisser et qui font travailler femmes, enfants et compagnons qu'ils engagent, en étant rémunérés à partir d'une pièce, donc dont le prix est débattu avec le négociant. C'est une source de tension, naturellement, et qui ensuite détermine la rémunération des compagnons. Et donc une situation, le louage d'ouvrage, la sous-traitance en cascade est une situation qui est générale. Vous pouvez le voir dans Germinal avec cette fameuse scène où le Maheu, chef de marchandage, négocie le prix de la veine de charbon dans un système d'enchères avec la compagnie pour ensuite faire vivre sa brigade, c'est-à-dire ses voisins, sa famille et Étienne Lantier. Donc on a là une situation qui se retrouve dans la mine, ça se retrouve dans l'industrie. On a un scandale tout à fait intéressant en 1902 dans une usine de Haute-Loire qui est présentée pourtant comme une usine phare, une usine modèle, qui servira d'ailleurs de modèle pour Zola dans son roman Travail, où un inspecteur du travail découvre un enfant mineur après minuit, ce qui est formellement interdit par une loi de 1892. Et que répond le directeur de l'établissement face à cette contravention ? Il répond, mais ça n'est pas moi qui ai embauché cet enfant, c'est un ouvrier qui travaille à mon service, mais qui, à son tour, a engagé un membre de sa famille pour l'aider dans le travail nocturne qu'il accomplit. Donc c'est lui qui est responsable de l'infraction, et ça n'est pas moi. Et il faut un pourvoi du parquet en cassation, et donc une intervention ministérielle, pour que, en cassation, l'affaire conduise à reconnaître la responsabilité du chef d'établissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre la création d'entreprises qu'on voit comme un dépassement du salariat. En fait, quand on regarde toute cette histoire, on peut y voir aussi le retour de ce libéralisme du 19e siècle et d'une société d'entrepreneurs jusque dans le cadre du travail ouvrier. Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vomir des imprimantes et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail, il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse. Fin 2016, Uber a organisé l'opération 70 000 entrepreneurs. 70 000, c'est le nombre de chauffeurs de VTC qu'Uber estime nécessaire pour satisfaire les besoins de mobilité des franciliens et surtout pour faire fonctionner son modèle économique. Un bus tour a donc sillonné l'Île-de-France pour recruter directement sur le terrain, avec une préférence pour les villes aux quartiers dits « sensibles ». Livry-Gargan, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Aulnay-sous-Bois. Le 30 novembre, nous voilà donc à Aulnay. Le bus bleu est là, avec ses fanions, ses ballons, ses comptoirs pour faciliter les démarches d'inscription. Un bus garé sur le parking même de l'usine Peugeot-Citroën qui a fermé ses portes en 2014, faisant disparaître plus de 3000 emplois. Des voitures Peugeot, de préférence de grosses berlines noires, c'est peut-être ce que devront acheter les hommes qui font la queue ce jour-là pour devenir chauffeurs. Parmi eux, Abdel Nasser, plein d'espoir. L'ubérisation de la société aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux, donc il ne faut pas louper le coche. Soit on monte dans le train, soit on loupe le train. Après, c'est terminé. Toutes les sociétés vont couler ensuite. On est obligé de passer par là. Et tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous voyez la queue. Tous ces gens-là, je suis sûr qu'il y a peut-être 50 personnes là qui attendent. C'est le bus qui fait le tour des villes. Là, vous voyez, la plupart de ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont peut-être au chômage ou qui cherchent un boulot. Donc le fait de faire Uber, justement, ça augmente Ben, l'emploi. Donc vous dites qu'aujourd'hui vous avez votre société, qu'est-ce que vous faites voilà, comme... Je suis dans la distribution automatique, machine à café, machine à friandises, qu'on installe dans les entreprises. C'est moi qui installe, qui fais tout. Je fais le commercial, le technicien, bon c'est hyper concurrentiel, bon c'est un peu, c'est pas évident. Tout ce que je gagne, ça rentre, je le réinvestis dans la boîte, parce que la banque ne finance pas. Ah oui, à côté de ça, je fais Hitch le soir. Alors Hitch, avec votre voiture personnelle, vous transportez voilà. des gens. Exactement, voilà. Ça marche ça? Bah écoutez, ouais, franchement, ça va. Rapport qualité-prix, c'est intéressant. Hein. Je fais, on va dire, en chiffre d'affaires à la semaine, 300 euros, 200 euros. Bah, faut travailler. Hein. Aujourd'hui, on a besoin d'auto-travail. On peut en faire un peu comme les États-Unis. La plupart des Américains travaillent avec 2, 3 salaires, 2, 3 emplois plutôt. Travailler moins pour gagner plus. Non, travailler plus pour gagner plus, c'est ça, soi-disant. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on n'optimise pas assez notre journée. 7 heures de sommeil, ça suffit largement. 10 heures de travail à 12 heures de travail par jour, c'est le minimum qu'il faut faire. Les 35 heures, c'est un fléau pour la société. Je pense qu'il faut minimum, dans les 50 à 60 heures par semaine. Et ça vous satisfait, cette idée-là ? C'est pas que ça me satisfait, c'est que j'ai pas le choix. C'est que soit je fais rien, et je croise les bras et j'attends que je coule à petit feu, et soit je remonte les manches, j'ai ma société. C'est quelques années qui arrivent, qui vont être un peu difficiles. Et vous espérez combien de votre activité de chauffeur ? Chauffeur, j'espère au minimum 1500 euros. Parce que je sais qu'il y a par contre il y a beaucoup d'heures. Je me suis renseigné à droite, à gauche. Vu que ça devient de plus en plus concurrentiel pour avoir des cours, c'est moins évident. Mais bon, j'ai la fibre entrepreneuriale. Les autres réussissent, pourquoi pas nous ? Mohamed Sabri, responsable de l'antenne de Clichy-sous-Bois de Planète Adam. Pour la sensibilisation et la création d'entreprises. Toute activité. Hein. Si vous voulez devenir plombier, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas l'information, Planète Adam est là pour vous accompagner. Moi, je suis persuadé que, en tout cas, une partie de ceux qui ne trouvent pas d'emploi pourraient trouver une solution au travers de la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement le salariat, mais on voit bien que le salariat est en panne. Et l'idée, c'est de dire à des personnes, bah, écoute, tu as des compétences, tu as éventuellement une expérience que tu pourrais éventuellement mettre à profit et devenir toi-même ton propre patron. Et ça séduit, on le voit très bien dans les quartiers, ça séduit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire par le salariat est en panne ? Mais il suffit juste de voir les chiffres du chômage. Là, je ne prends même pas le national. Nous, sur notre quartier, on est quasiment à 25%. Ça monte juste. Oui, à Clichy-sous-Bois, oui. Donc c'est pour ça que je parle de panne au niveau du salariat. Et nous, ça fait sur Clichy-sous-Bois, nous, ça fait quand même déjà plus de 7 ans qu'on y est. Et on constate, ça marche. Vous êtes c'est une grosse association ? Oui, bah on est membre de Positive Planète, l'association de Jacques Attali. C'est l'initiative de Jacques Attali hein, qui a, en 2006, suite justement aux émeutes de la banlieue, le diagnostic qui a été fait, bah, pourquoi ça s'est embrasé ? Parce qu'on s'est tous posé la question. Et l'une des conclusions qui a été tirée, c'était de se dire, bah oui, c'est l'emploi en fait qui est en panne. Et qu'est-ce qui l'animait, Jacques Attali, pour créer cette association ? Jacques Attali, il a toujours prôné qu'il ne fallait pas attendre que la solution vienne d'en haut, en quelque sorte. C'est que soi-même, que chaque individu se prenne en main soi-même et se dise, bon, bah, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais me bouger et je vais aller moi-même essayer de créer moi-même mon activité. Ça peut être celui qui décide du jour au lendemain de faire les marchés, ça peut être là, on est aujourd'hui à cet événement-là, qui veut devenir chauffeur privé. C'est un peu différent. Ouais, enfin... Pour moi, on appelle ça aujourd'hui, c'est une nouvelle forme qui est apparue, mais elle est à mi-chemin. Quand vous êtes dans votre véhicule, c'est vous qui décidez de vous connecter, c'est pas Uber qui vous appelle et vous dit « mais connectez-vous ». La liberté qu'ils ont, c'est de pouvoir se connecter à des heures intéressantes pour pouvoir avoir du client. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est ça ou rien. On va pas faire la fine bouche non plus. Vous êtes salarié ? Oui, je suis salarié de l'association, oui. En CDI ? Oui. Oui. Vous avez la fibre entrepreneuriale ? Je l'ai, bien sûr. On l'a en soi, après soi-même. On n'est peut-être pas tenté d'aller créer une entreprise. Et je le sens autour de moi que cette fibre, elle est là. La France a une culture du salariat. Elle n'a pas une culture de l'entrepreneuriat. Et là, petit à petit, on sent que c'est en train de... On est en train de changer un peu les habitudes et la culture. Quand on entend le salariat n'existe plus ou il est en passe de disparaître... C'est un mensonge absolu, je veux dire, c'est absolument contraire au fait. Gérard Filoche. Écoutez, l'Organisation Internationale du Travail, elle vous dira que dans les 30 dernières années, sur la planète, on a 1 milliard de salariés de plus. Que quand ? Qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie informelle recule partout dans le monde. Même dans les pays les plus pauvres, vous avez un progrès du salariat et un recul de l'économie informelle. Et en France, on peut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale en 1945, vous aviez à peu près 55% de salariés et 45% d'indépendants. agriculteurs, paysans, commerçants, ils étaient très nombreux, 45%. Mais quelle est la trajectoire en 70 ans? Ils ont été réduits à 7%. Le salariat, c'est 93% de la population active aujourd'hui. La bataille entre indépendants et salariés, elle sera gagnée par le salariat. Personne ne pourra jamais faire reculer les salariés dans le monde. Le capitalisme a besoin même de salariés. Sauf que la bataille contre les statuts du salariat et pour valoriser idéologiquement la propagande, les indépendants, etc., est une bataille importante pour eux parce qu'elle sert à faire pression sur les salaires. Il n'y a plus de boulot, vous avez changé 3 fois de travail dans votre vie, etc., etc. Or, c'est faux aussi. La durée moyenne du CDI dans les 30 dernières années en France, ça s'est allongé. On est passé de 9 ans et demi en moyenne à 11 ans et demi en moyenne. D'abord parce que les gens, ils ont peur du chômage, donc ils s'accrochent. Et la deuxième chose, c'est parce que les entreprises, elles peuvent pas fonctionner avec des précaires, des VTC, des machins, etc. Pour qu'une entreprise de qualité fonctionne, il faut qu'elle ait des salariés bien formés, bien traités et bien payés. Le corps du salariat est indispensable au capitalisme. Il faut qu'il le paye le moins cher possible, mais il est indispensable. Je vais vous donner quelques règles de décision que je considère impératives pour retrouver une France conquérante pour gagner. Alors, on y va. Denis Kessler, Université d'été du MEDEF, 30 août 2013. On doit préférer la méritocratie, valeur républicaine, à l'égalitarisme qui mène à la médiocratie. La récompense des efforts plutôt que l'incantation sans cesse entretenue d'une notion de justice au service d'une logique de redistribution aveugle et opaque. Il faut préférer l'accumulation à la redistribution. Il faut préférer l'égalité des chances à l'égalité des situations. Il faut respecter la finance plutôt que la traiter en ennemi. Nous devons toujours privilégier le salaire direct aux prestations sociales, la défiscalisation des heures supplémentaires plutôt que la spoliation fiscale et sociale des revenus du travail de ceux qui bossent. Moi, je préfère un contrat de travail privé à un statut public, je préfère un contrat à une convention, je préfère une convention à une réglementation. Sinon, on suit ces simples règles, tous les jours, constamment, intelligemment, la France en sortira, redeviendra un modèle, brillera à nouveau tous ses feux. Mesdames et messieurs, soyez les croisés de ses valeurs, de ses choix, mettez en œuvre ses règles, battez le fer, livrez le combat, flamberge au vent, avec corps et trompette. Alors on gagnera pour l'avenir des entreprises et on assurera l'avenir du pays. Merci. Trop d'emplois tue l'emploi. Vive les bénévoles. Alors j'ai dit, l'idée est formidable. J'ai dit, j'en ai parlé à monsieur Duquesne. Et voilà. Il m'a dit, oui, c'est vrai, la plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Absolument. Alors le salarié, il arrive, il est jamais content. Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir, il pense à son chèque à la fin du mois. Jamais content. Jamais. Demandez une augmentation. Le bénévole ne demande pas tout ça. Mais non, puisqu'il n'a rien. Entre le salariat et le travail indépendant, il existe de nombreuses catégories intermédiaires, interstitielles, sortes de zones grises où les frontières se brouillent. Des personnes effectuent en toute autonomie une tâche qui leur a été confiée par un donneur d'ordre dont elles dépendent totalement économiquement. C'est le cas par exemple des travailleurs à domicile, ou TAD. Ce statut de TAD, c'est celui des correctrices des maisons d'édition. Elles ont manifesté en novembre 2016 devant le restaurant Drouan le jour de la remise du prix Goncourt pour attirer l'attention sur la précarité de leur statut. Et le 14 décembre, elles se sont donné rendez-vous au Conseil des Prud'hommes de Paris pour soutenir l'action en justice de l'une de leurs collègues contre son employeur. Parmi elles, Marie-Caroline, Isabelle et Marie. L'inconvénient de notre situation, la précarité, c'est qu'on ne sait jamais combien d'heures on va travailler dans le mois et rien n'est fixé. C'est open bar pour l'employeur, c'est vraiment idéal. C'est-à-dire qu'il peut laisser le salarié sans travail, comme il peut lui donner plus qu'un temps plein. On est payé à la tâche, donc nous n'avons jamais l'assurance d'un salaire garanti à la fin du mois. On peut avoir un mois à 0 heure, 0 euro, sans aucune compensation, puisque donc nous n'avons pas le droit au chômage, hein, puisque nous sommes en CDI. Alors donc vous êtes Marie-Caroline, vous êtes correctrice aussi? Je suis préparatrice de copies, je fais de la préparation de copies, donc c'est un travail de fond sur le manuscrit, où par exemple en sciences humaines on doit vérifier toutes les infos qui sont données, les noms propres, les dates, vérifier les incohérences, refaire tout d'appareil critique, je dis refaire, parce qu'il y a toutes les notes de bas de page, les index, les bibliographies qui sont rarement au point. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous mobilise? En fait, une des choses que nous essayons de négocier avec les maisons d'édition et que nous aimerions voir, surtout dans les grands groupes qui peuvent donner un petit peu l'impulsion pour tout le monde de l'édition, c'est d'avoir des contrats déjà écrits, puisque pour l'instant, pour la plupart, nous avons des contrats de fait et des contrats écrits qui stipulent un nombre d'heures. Bon, pour prendre mon cas, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'édition. Je travaille à peu près à temps plein pour une maison d'édition générale qui fait partie du plus grand groupe d'édition français. Et le contrat qu'on m'a proposé récemment stipule un nombre d'heures à titre indicatif. Il est écrit qu'aucune des deux parties n'est contrainte à quoi que ce soit. Est-ce que c'est une profession très féminisée ? Oui, extrêmement, oui. Je devais y avoir 75%, mais c'est comme dans l'édition. Donc oui, il y a aussi cette idée que c'est des temps partiels, parce qu'on est en temps partiel subi. Et dans l'édition, on a toutes sortes de profils. On a des profils comme le mien où effectivement, je vis avec quelqu'un qui gagne plus que moi et j'ai été pendant longtemps un salaire d'appoint, notamment quand j'avais des enfants plus petits. Et effectivement, 1 500 € à Paris, si en plus on n'est pas sûr d'avoir 1 500 € à la fin du mois et qu'on doit sans arrêt stresser, c'est horrible. Mais il y a plein de femmes qui vivent seules de plus en plus et qui vivent seules avec des enfants. Et pour elles, c'est un stress énorme. Et je parle aussi des femmes qui vivent seules sans enfants et qui doivent sans arrêt courir après le travail, ne jamais savoir combien elles vont gagner. Ce qu'on peut dire, c'est que les employeurs se servent de l'argument du fait qu'on est multi-employeur pour se dégager toute responsabilité vis-à-vis de nous. Donc il nous est toujours répondu, mais ça n'est pas un problème, vous pouvez compléter avec un autre employeur. Mais les chiffres qu'on a sont que seulement 10% de la profession est multi-employeur dans les faits. Le reste travaille pour plusieurs maisons, mais avec des régimes du droit d'auteur, de l'auto-entrepreneuriat, des choses comme ça. Alors vous venez de parler du statut d'auto-entrepreneur. Ça, c'est quelque chose aussi dont on se sert de plus en plus à votre égard. On vous demande de facturer ? Oui. Le statut de l'auto-entrepreneur, normalement, c'est quelque chose qu'on doit proposer nous spontanément. C'est nous qui sommes censés démarcher donc des clients, puisque nous sommes dans une démarche commerciale. La réalité, c'est que ce sont des employeurs, et souvent dans des grands groupes, qui nous proposent, nous imposent ce statut pour nous faire travailler. C'est ça ou pas de travail. Et on se retrouve avec des situations où des gens peuvent être au sein d'un même groupe, dans une filiale en CDI, dans une autre filiale en CDD, dans une autre filiale en auto-entrepreneur. Et tout ça se croise joyeusement à la comptabilité sans que ça n'alerte jamais personne. Donc vous, c'est quelque chose que vous avez, ça, ce multistatut Tout à fait. Je facture un tel, je suis en CDI à tel endroit et en CDD à tel autre. Et ça se développe, ce statut d'auto-entrepreneur pour les correcteurs ? Oui, et le problème, c'est que pour beaucoup de correcteurs, c'est la seule source de revenus. Et là, ça devient dramatique, parce que c'est une précarité énorme. D'autant que les maisons ne jouent pas le jeu. Il y a certaines maisons qui donnent un tarif correct en freelance. Dans ce cas-là, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est une évolution possible, on n'est pas obligatoirement contre. Moi, je pense quand même que le statut d'auto-entrepreneur est du salariat déguisé. Et c'est en ça que je trouve ça complètement scandaleux. Parce que comme tu le disais justement, normalement, un auto-entrepreneur, c'est un libéral, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui donc, comme tu le disais, va démarcher de maison d'édition. Mais qui, en plus, après, va voilà, proposer ses tarifs. Si je fais appel à un artisan pour repeindre mon appartement, ce n'est pas moi qui vais lui proposer le tarif. Là, c'est la maison d'édition qui impose un tarif qu'on peut, avec une mini-marge, parfois négocier, mais globalement, si vous essayez de négocier, on trouve quelqu'un qui va accepter le tarif de moins 10 ans. Donc il y a un lien de subordination, finalement, entre l'auto-entrepreneur et la maison d'édition, lien de subordination qui est quand même le propre du salariat. Donc vraiment, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Quels sont, en moyenne, vos revenus ? Alors moi, je fais à peu près 1200 heures à l'année, de manière assez constante, finalement, depuis quelques années. Et donc, du coup, ça me fait des revenus qui sont de 1 500 €, à peu près, ouais, net. Peut-être un tout petit peu plus pour moi, comme je fais de la préparation de copies et que c'est mieux payé, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. Je gagne entre 1 500 et 1 700, on va dire, quoi. Moi, je crois que je gagne presque le double en étant plus staccanoviste et en cumulant les différents statuts. Mais c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir une base en CDI qui est une base stable, relativement, même si rien n'est jamais écrit, ce qui me permet, dans au moins les contrats que j'attrape en auto-entrepreneur, de réussir à négocier des tarifs corrects aussi. Les chiffres pour la moyenne des travailleurs à domicile, on a la moitié des personnes qui n'atteint pas le SMIC annuel. Répondez à ceux qui disent que le travail est trop cher en France, qu'il coûte trop cher. Enfin, c'est quoi ? C'est des radins ou des menteurs ? Le coût du travail est trop bas. On ne peut pas vivre avec les salaires que nous avons. Un salarié sur deux gagne moins de 1 700 €. Nous avons maintenant des travailleurs pauvres, temps partiel, etc. On en a 8 800 000 en dessous de 900 euros. Il est évident que le salaire est trop bas. Les salaires sont bloqués depuis à peu près 10 ans, 20 ans. Et la part des profits et des dividendes a pris 10 points à la part des salaires. Toute la bataille idéologique et toute la bataille contre le salariat, c'est pour faire que les 10 points deviennent 11 points, 12 points, 13 points. C'est-à-dire toujours augmenter la marge pour les dividendes et le profit et toujours bloquer les salaires. Parmi les 8500 personnes travaillant chez Ryanair, une majorité n'est pas salariée. Environ 70% des pilotes et 60% des personnels de cabine sont employés comme contractants indépendants auprès d'agences de placement. Le statut du travailleur se rapproche pourtant plus de celui d'un vrai salarié car il n'a qu'un seul et unique client. Le pilote n'a pas le droit de travailler pour d'autres compagnies. Il s'agit clairement de salariat déguisé. Il faut noter que le pilote ou personnel de cabine recruté par Ryanair n'a pas le choix de son statut. Seule la compagnie décide sous quel type de contrat elle embauche son personnel. Le contrat proposé est à prendre ou à laisser. Jean-Pierre Othély, bonjour. Vous avez édité le témoignage d'un commandant de bord de la compagnie Ryanair. Ça s'intitule « Ryanair, low cost, mais à quel prix ?» Je voulais savoir si c'était possible de rencontrer ce pilote. Alors Christian Fletcher est un pseudonyme qui dissimule le nom d'un commandant de Ryanair qui n'a pas souhaité, et vous comprendrez certainement pourquoi, qui n'a pas souhaité publier sous son propre nom. Mais les précisions qu'il donne, la qualité de son témoignage et puis les aventures qu'il a vécues ou que certains pilotes ou navigants ont vécues à Ryanair sont tout à fait là pour prouver que c'est parfaitement exact. Depuis 2009, l'agence Brookfield Aviation, principal recruteur des pilotes, oblige désormais ses pilotes à créer une société en Irlande. Le pilote doit, par l'intermédiaire de sa société, s'acquitter des charges sociales, salariales et patronales obligatoires et des impôts sur le revenu, selon la réglementation en vigueur en Irlande. Certes, le niveau des cotisations obligatoires en Irlande est moins élevé que dans d'autres pays européens, jusqu'à 4 fois moins qu'en France, mais la couverture sociale l'est en proportion. Assurance maladie de base, pas ou peu de retraite, pas d'allocation chômage en cas de licenciement. Le système social irlandais est très libéral. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la publication du livre ? Alors, à la suite de la publication du livre, nous avons été attaqués par ANR, à la fois pour diffamation et pour demander de leur communiquer le nom réel de Christian Fletcher, ce qu'évidemment nous n'avons pas fait. Hein, son nom est dans un coffre chez un avocat et personne dans notre société d'édition ne connaît son nom. Donc, nous l'avons protégé au maximum. À partir du moment où il a révélé des pratiques de l'entreprise que l'entreprise ne souhaitait pas révéler, il est certain qu'il perdra son travail, c'est certain, le jour où il sera découvert. Il est demandé au pilote d'endosser la responsabilité de gestion de sa propre société, qui, en cas d'incident ou d'accident, pourrait être tenu responsable juridiquement des erreurs éventuelles de son dirigeant, le pilote lui-même. Par conséquent, il est prudent pour le pilote de souscrire à ses frais une assurance en responsabilité professionnelle correspondant aux risques encourus. Le pilote est également tenu de couvrir lui-même tous les frais relatifs à l'exercice de sa profession. L'achat et l'entretien annuel de l'uniforme, l'examen médical annuel, le parking à l'aéroport, le badge de sécurité, les assurances en responsabilité civile et perte de licence, le renouvellement de la licence de vol tous les 5 ans, etc. Il n'a pas de salaire fixe. Seules les heures de vol planifiées sont rémunérées. Cela signifie qu'en cas de retard, le personnel n'est pas payé pour les heures supplémentaires qui en découleraient. De la même façon, en cas d'annulation d'un vol en dernière minute, aucune compensation financière n'est prévue. Si le navigant tombe malade, seule une assurance privée aux frais du pilote peut éventuellement compenser la perte de salaire. Le concept du congé de maladie est donc totalement inexistant. On a eu quelques doutes sur quelques piratages dans nos ordinateurs pour essayer de découvrir qui était le nom. Je n'ai aucune preuve sur ce sujet-là, mais certains faits ont laissé croire que bon, certaines personnes s'étaient introduites dans nos bécanes pour essayer de découvrir. Ça n'était pas possible parce que à aucun endroit dans nos ordi nous n'avions le nom réel de Christian Fletcher, mais c'est vrai que on sait, hein, ne serait-ce que parce que on nous l'a raconté et de sa part et de la part d'autres commandants de bord, puisqu'il n'est pas le seul à témoigner, on sait que ça a provoqué un grand remue-ménage dans la société. Il y a des gens qui ont été interrogés, on a cherché à savoir, il est évident qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de chasse aux sorcières pour essayer de retrouver le nom de ce commandant de bord. Jusqu'ici, il n'a pas été découvert. Ça veut dire que le pilote est toujours pilote chez Ryanair? Je ne veux pas dire oui, il l'est, ou non, il ne l'est plus. Donc on va taper auto-entrepreneur sur Google, le maître du monde, et puis comme ça. Alors, devenir auto-entrepreneur, le portail officiel, auto-entrepreneur. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a au moins 10 sites qui proposent de le faire. Mais alors on va cliquer sur devenir auto-entrepreneur. Puis comme ça, j'aurai un ciré officiel, voilà. Alors, formulaire d'inscription simplifié auto-entrepreneur. Ça prend un petit peu de temps quand même, enfin bon, il faut remplir des cases. Hein. Hop. Et ben donc je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Je fais à la fois de la presse écrite et de l'audiovisuel, et je fais à la fois du journalisme et de la communication. Donc je travaillais en 2008 pour une boîte de communication qui m'avait toujours payé en salaire. Pour cette boîte de communication, je réalisais des articles, mais c'était à mi-chemin entre le journalisme et la communication. Ça pouvait être les suppléments de grands journaux, du magazine un peu cadeau, des choses comme ça. Et cette boîte de communication me dit « Écoute Julie, là je peux plus te payer en salaire, il faut que tu factures. » Et moi je refuse parce que j'ai toujours été payée en salaire et je vois pas pourquoi du jour au lendemain je vais me mettre à facturer, puisqu'en plus moi je suis toute seule, je suis pas une boîte. Et donc je vois pas pourquoi ce droit que j'ai à être payé en salaire, qui induit aussi des cotisations pour ma retraite, pour mon chômage, du jour au lendemain, je vais devenir chef d'entreprise. Je ne suis pas chef d'entreprise, je réalise la même prestation qu'avant. Et là, j'ai dit non. Ça a signé la fin de ma contribution, et puis en plus, avec déjà ce petit côté un peu culpabilisant, d'ailleurs tu te rends pas compte combien ça me coûte, c'était un peu déjà vu comme un caprice de princesse que de vouloir avoir un salaire. Regarde, ton salaire, il me coûte tant. À la rigueur, je pourrais d'ailleurs te payer plus si tu facturais, puisqu'on partagerait un petit peu les gains produits de l'économie des charges sociales. Vous avez réalisé l'enjeu ? Alors, c'est intéressant, parce que justement, au départ, l'enjeu, je le voyais qu'au niveau individuel. Je me disais, quand on est journaliste, on doit être payé en salaire. Et pour moi, c'était un truc sur lequel il n'y avait pas à négocier, mais je pensais à ma pomme, en fait. Et c'est vrai qu'avec les années, c'est devenu une considération bien plus, je sais pas si sociétale ou globale. En fait, je me suis dit, si tout le monde devient auto-entrepreneur, il va y avoir de moins en moins de cotisations pour le bien public. Et donc, on met la société en danger. From early morning till late at night, you can call me at any time. Alors là, je pense que c'est une bonne occasion de se rendre compte que c'est pas logique quand on est journaliste d'être auto-entrepreneur. Parce qu'on a le domaine d'activité. Achat-revente, oui, on peut se considérer que je vends des idées ou des sujets, mais bon. Agent commercial, ben non. Artisanat non plus. Bâtiment gros œuvres non plus. Conseil expertise, non. Cours et formation, non plus. Hôtellerie, restauration, mécanique, technique, santé, beauté, bien-être, service à la personne et aux animaux. Web, informatique, multimédia. Voilà, bah donc, qu'est-ce que je fais là déjà? Ça prouve bien que c'est pas logique de devenir auto-journaliste, auto-entrepreneur, puisqu'on n'a déjà pas le domaine. Alors je vais mettre... Je sais pas ce que je vais mettre. Conseil, expertise, service aux entreprises. Parce qu'après, ça serait quand même couillon que je devienne auto-entrepreneuse et que je puisse pas facturer parce que j'aurais pas choisi le bon truc, quoi. En plus, je voulais faire de la formation aussi. Alors peut-être que si on met cours et formation, on a le droit de faire des piges avec le... Je ne sais pas. Rien qui rentre dans la... Non, il n'y a rien qui rentre. On dirait le panneau est une ordure. Et en même temps, on peut se dire que l'autonomie que vous avez dans le travail pourrait justifier le fait que vous ne soyez pas salarié. Vous proposez les idées, vous les menez, vous écrivez, vous pouvez travailler de chez vous. Je ne sais pas. Le fait qu'un métier qui était considéré comme du salariat devienne soudain un métier indépendant, payé comme auto-entrepreneur, ça me choque. Il faut que je réfléchisse et que je trouve ce qui me choque. Et c'est quoi vos revenus? Alors, mes revenus... L'an dernier, c'était une catastrophe. Je crois que c'était 22 000 euros ou un truc comme ça. Alors qu'effectivement, il y a 7 ans, j'étais arrivée à 40 000 euros. J'ai perdu 3 000 euros par an, tous les ans, pendant 7 ans. La boîte pour laquelle je bossais le plus en com' écrite voulait que je facture, donc j'ai arrêté de bosser pour eux. Et puis, j'ai eu contacté de temps en temps d'autres boîtes qui m'ont annoncé la même chose, il faut des factures. Et donc finalement, je me suis dit, ok, je réessaye pas, ça sert à rien, on va me dire la même chose partout. Puis moi, j'étais là, accrochée à mes principes. Alors c'est vrai que j'ai un niveau de vie qui n'est pas du tout celui qu'il était il y a encore, je sais pas, 3, 4 ou 5 ans. Globalement, moi je suis pas quelqu'un de très dépensier, mais c'est vrai que je m'habille plus que dans les brocantes, déjà. Je voyage beaucoup moins qu'avant, alors que je voyageais beaucoup. Je vais plus trop au resto, je prends plus de taxi. Uber, non? Non, parce que j'ai des principes, justement. Je me dis qu'on doit essayer d'être un minimum cohérent. Je peux pas refuser le statut d'auto-entrepreneur si... par mon comportement de consommatrice, je développe l'émergence de ces nouveaux statuts. En même temps, maintenant que j'ai plus un rond, effectivement, je prends plus le train, et je voyage qu'avec les bus Macron. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je loue mon appartement sur Airbnb. Bon, même si ça marche de moins en moins bien, parce qu'entre la concurrence... Moi, je suis très bavarde, donc je n'en ai pas parlé à tout mon quartier, donc j'ai créé ma propre concurrence. Il y a encore 2-3 ans, je me faisais, quand même, 3-4 000 euros... voire 5 000 parfois par an. Sur Airbnb. Donc voilà, mais bon, là, ça c'est devenu résiduel. Alors là, cette année, je sais pas, j'aurais dû gagner 1 500 euros avec Airbnb, quoi. Alors, souhaitez-vous exercer d'autres activités? On va peut-être faire ça. Je vais mettre écriture, journalisme. Je crois que c'est conception de contenu, le mot de maintenant. Ça marche pas parce qu'en fait, il faut que j'ai une activité principale. Je ne trouve pas mon activité. C'est mieux, ça. Voilà. Ah, ils vous disent, je ne trouve pas mon activité. Ouais. Pour trouver... Ah, activité principale. Allez, on va mettre écriture. Allez, journalisme, on va mettre. Journalisme, ok. Catégorie d'activité libérale. Hein. Ça, c'est ni commercial ni artisanal, je pense. Type profession libérale rattachée à la CIPAV pour le régime vieillesse. Architecte, conseil, expert, psychologue. Ou bien profession assimilée libérale rattachée au RSI pour le régime vieillesse. Exploitant auto-école, médecine chinoise. Allez, CIPAV. Après, ça, je fais n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas cliqué la dernière fois tout au bout. Je me suis dit, mais dans quoi je suis en train de me foutre, quoi? C'est effectivement hyper simple de s'inscrire. Au petit bonheur, la chance. Là, vous faites des choix qui peuvent avoir des conséquences. C'est ce que je me dis, ouais. Je suis pas sûre que j'appuierai jusqu'au... Enfin, je vous préviens, je suis pas sûre que je ferai jusqu'au bout. Hein. L'activité principale de votre auto-entreprise, que vous avez indiquée ci-dessus, correspond à l'activité générant le plus de chiffre d'affaires au sein de votre AE. C'est sur cette activité qu'est basé votre code APE. Oui, donc effectivement, il y a un impact. Tu vas avoir un certain code et peut-être que je pourrais pas facturer si je sors de mon code. Et habituellement... Vous êtes donc journaliste freelance, vous êtes payé en salaire par des journaux? Alors, aujourd'hui, j'exerce plusieurs activités. Donc, je travaille pour la presse féminine, qui me paye en salaire. Je travaille aussi comme journaliste dans l'audiovisuel. Je vais être payée aussi en salaire, mais sous le régime d'intermittente. Et je travaille également pour de la presse municipale et départementale. Et c'est vrai que là, en septembre, j'avais besoin de nouveaux contrats. Donc, je travaillais déjà pour une mairie et j'ai contacté d'autres institutions. Et c'est vrai que coup sur coup, là, il y a une mairie et un département qui m'ont dit qu'ils me paieraient que sur facture comme auto-entrepreneur. Au début, j'ai dit non. Et puis, bon, bah, j'ai fait mes comptes. Hein. Alors, j'ai rappelé. J'ai dit, bon, ok, je serai auto-entrepreneur, mais là, pas tout de suite, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, est-ce que pour la première facture, on peut faire ça comme ça? C'est-à-dire comme ça, en salaire? Non, c'est une facture qui correspond à rien, parce que c'est une facture sans numéro de ciré, en fait. Donc, on m'a dit oui, une fois, hein, mais pas plus. Hein. Donc, j'ai fait ma première facture sans numéro de ciré. C'est du black, en fait. Ah non, c'est pas du black, puisque moi, on m'a enlevé des trucs. Enfin, j'ai même pas regardé la facture. Mais non, c'est pas du black. C'est, voilà, c'est une facture en attente de régularisation, on va dire. Et puis, j'ai rappelé pour dire que oui, je voulais bien refaire une pige, mais que j'avais toujours pas eu le temps de devenir auto-entrepreneuse. Ben là, on m'a dit, ok, mais c'est la dernière fois. Hein. Et là, je suis un peu embêtée parce que j'ai donc depuis réalisé deux autres commandes qui seront forcément payées sous le statut d'auto-entrepreneur. Et je ne suis toujours pas auto-entrepreneur puisque je n'ai pas réussi à finir mon inscription sur le site. Et vous cherchez, vous regardez les annonces d'emploi, de... Alors, je crois que je regarde les annonces pour me faire peur. Parce qu'en même temps, il faut être honnête. Les journalistes, ils ne trouvent pas du boulot par annonce. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, bon, bah, je vais regarder un petit peu ce qui existe. Donc, je peux vous montrer hein, le site, on va dire, de référence qui recense, on va dire, toutes les offres d'emploi dans le métier du journalisme. Voilà, offre d'emploi ou de stage. Quand je tape sur une annonce, en général, je ne comprends pas l'énoncé. Donc je vous lis. Journaliste web, digital et marketing, B2B, pige ou AE. Donc AE. Auto-entrepreneur. Alors que c'est hyper classe, ils mettent salaire annuel 35 000 euros. Ça a l'air bien. Dans le cadre du développement de ses activités, le groupe Machin recherche pour le compte de sa filiale Machin et de son portefeuille client un profil de journaliste slash pigiste confirmé ayant impérativement une expérience dans les domaines du marketing digital, SEO slash SEA slash inbound marketing slash brand content. Waouh! Alors j'ai une copine qui m'a expliqué que la SEO, c'est le fait de mettre des mots-clés qui vont permettre que les gens cliquent pour que Google, le référence, voilà, je crois que c'est ça, le SEO. Vous avez déjà passé des entretiens d'embauche pour ce type d'annonce? Non, mais il y a 3 semaines, j'ai passé un entretien pour une entreprise qui cherchait à embaucher un ou une scénariste de dessin animé institutionnel. Il y avait marqué CDI hein, sur l'annonce. Hein. Et j'ai été assez choquée qu'au moment de l'entretien, ils m'ont dit « Alors, vous voulez être payé comment ?» J'ai trouvé ça vraiment pas classe. Parce que justement, on en revient à l'inversion du rapport de force. C'est à moi de décider. Et bon, ok, j'ai 42 ans, puis j'ai encore de quoi me nourrir. Mais peut-être que si j'avais eu 25 ans, j'aurais pas osé dire un gros mot genre « en salaire ». Et j'ai dit « Mais ça veut dire quoi cette question ?» Et là, ils m'ont dit « Non, non, mais on vous la pose parce qu'il y a peut-être des gens que ça arrange d'être auto-entrepreneur. » Quoi ? Vous êtes inscrite, là. Ah, mais non, mais c'est même pas en rêve. Règlement des frais de constitution de dossier. C'est combien ? Non, mais c'est un truc de malade parce que le site, c'est 59 euros. Mais le site sur lequel j'avais commencé à m'inscrire, qui devait être un peu plus officiel, ne me demandait pas en plus de payer. Et donc là, non, il est clair que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas payer pour me faire avoir, quoi. Non, donc je ne vais pas payer. Enfin bref, voilà, je ferai ça un autre jour. La lueur est donnée. Et les sourires se fondent dans les joues creusées. Les scrupules n'existent pas. Quand on est là, c'est qu'on n'a pas le choix. La cadence ne laisse aux vulnérables aucune chance. se dresse et les sourires restent. Oui, bonsoir, c'est Deliveroo. Foodora, pardon. Foodora. Merci. Bonsoir, c'est Foodora. Voilà, ça a mis du temps parce que c'est pas à côté, quoi. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Ah, voilà, avec 17 minutes de retard, je récupère une commande que je vais devoir livrer. Salut, attention, pardon, merci. Jus de Miroménil. Putain, c'est pas à côté. Pour deux jus de fruits, une salade de fruits, il a fallu attendre 17 minutes. Alors que c'est tout prêt dans les trucs, t'es sérieux, quoi. Oui, bonjour, c'est Deliveroo. Foodora, pardon. Merci. Et tout ça, ça me fait des sous en moins, bien sûr. Oui, bonsoir, c'est Foodora pour votre plat. J'ai pas le code de la porte. Bonsoir. Je dois livrer la chambre 503. C'est un métier un petit peu de chasse sauvage, en fait. C'est un métier de la rue, en fait. Que ce soit moi qui suis livreur à vélo, que ce soit les mecs qui soient VTC, il n'y a besoin de rien, n'importe qui peut faire ça. Nous, on est arrivés, l'ubérisation a permis à n'importe qui, grosso modo, de faire n'importe quoi. Au départ, c'était des gens qui étaient à moitié désocialisés ou qui n'avaient pas de conscience sociale au niveau du salariat, des protections, de la sécu, des choses comme ça. Ils étaient déjà, comme on dit, des fois à la rue ou dans leur cité. Ils ne savaient pas quoi faire. Des fois, ils faisaient partie de l'économie grise ou parallèle. On leur a dit, bon voilà, tu sais quoi, tu peux faire un taf, tu peux avoir un taf. Et puis, tu as juste besoin d'une bagnole ou tu as juste besoin d'un vélo. Les mecs, ils ont fait, ok. Ils sont allés dans la rue, ils ont bossé, on leur a dit, tu vas gagner 2, 3, 4 000 balles. Ok, les premiers ont gagné ça, parce que c'était les premières doses, en fait. Et puis après, quand ils ont eu assez de gens qui achetaient leur cam, Uber, et toutes les petites sœurs Deliveroo, tout ça, bah, ils ont dit, bah maintenant, ça va être beaucoup plus cher, les doses, en fait. Beaucoup plus cher, c'est-à-dire, votre travail va vous coûter à vous beaucoup plus cher, va nous rapporter à nous beaucoup plus. C'est un système de dealer, en fait. Et le client non plus, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Parce que le côté pas cher, le VTC, c'est un produit de luxe à la base. Et on s'est aperçu, tu as des gens qui disent, tiens, c'est cool, le VTC Uber me permet d'avoir un service de luxe pas cher. Moins cher que le taxi. Mais qui est-ce qui paye la différence? C'est le mec qui est dans sa bagnole. Ou qui c'est qui paye la différence? C'est le mec qui est sur son vélo parce qu'il livre des burgers. Le livreur, il donne le paquet. En même temps qu'il donne le paquet, il donne aussi une part de ses jambes, en fait. Une part de sa vie, une part de ses risques qu'il a pris toute la journée. 5, 6, 7 heures, 10 heures par jour. 10 heures par jour à vélo dans Paris, je peux vous garantir que c'est autre chose que 10 heures dans sa bagnole. Parce qu'on n'a pas de chauffage, on n'a pas de musique, on n'a pas de clim, on n'a pas d'airbag. Je m'appelle Jérôme Pimaud, je suis anciennement livreur à vélo, je suis coursier à vélo toujours. Coursier-livreur, il y a une petite différence, mais voilà. Grosso modo, j'ai été livreur, j'ai pris conscience de l'ubérisation, j'ai pris conscience au niveau professionnel et puis au niveau social, au niveau sociétal, de ce qu'était l'ubérisation, de ce que ça amenait. Et donc, j'ai décidé de militer pour sensibiliser en fait les travailleurs, qui ne l'étaient pas encore, les clients, les médias, enfin toute la société, les politiques, les associations, les syndicats. J'ai travaillé pour la première société de livraison à vélo qui s'appelait Toc Toc Toc à Paris, en France. C'était bien avant Takeeasy, c'était bien avant Deliveroo, Foodora, Uber Eats, Stuart. Voilà, il y avait Toc Toc Toc qui permettait à des gens comme moi d'œuvrer, de travailler via une application. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est vrai qu'en fin de compte, on est la même idée, ok. Je me suis aperçu à l'usage, en bossant avec ces gens-là, qu'en fin de compte, il y avait une grosse... une subordination, en fait. J'étais censé être libre, il m'avait vendu que je serais libre, que je serais mon propre patron, que je pourrais bosser quand je veux, tatatitata. Mais je me suis aperçu que je bossais quand je veux, certes, mais que quand je bossais, il fallait que je bosse de plus en plus. Et quand je bossais, les conditions de travail étaient juste aberrantes. En fait, j'étais plus du tout libre. J'étais noté, j'étais sanctionné, j'étais suivi, j'étais équipé. De tout un tas de choses et quand j'en ai parlé un jour à un ami qui me dit alors ton nouveau boulot ça se passe bien, je lui ai raconté comment je bossais, je lui ai dit que j'étais fatigué, j'avais perdu 10 kilos en un mois, Il m'a dit, mais tu devrais en parler à un pote. On a un pote juriste. En fait, j'ai rencontré un pote juriste et je lui parlais de ça. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que c'était, ce que j'étais. Il m'a expliqué ce que j'étais. Il m'a dit, t'es pas livreur indépendant. Il m'a dit, t'es salarié, en fait. La façon dont tu travailles, tu me dis, en effet, t'as signé un gros contrat. Tu dois porter un uniforme. T'es géolocalisé. C'est pas toi qui fais tes factures. Il me dit, mais Jérôme, t'es salarié. C'est la façon dont tu travailles qui définit ce que t'es. Et la façon dont tu travailles, ce qui a marqué dans ton contrat, je lui ai envoyé mon contrat, il l'a lu. Il met 3 jours à le lire, un juriste. Moi, j'avais 1 heure pour le signer. Il m'a dit, j'ai lu ton contrat, t'es salarié. C'était un contrat de quoi de... C'était un contrat d'intermédiation. Déjà rien que le nom. C'est, en fin de compte, c'est un contrat qui faisait de moi le prestataire de cette boîte-là, mais c'est un contrat qui faisait de moi leur travailleur assujetti, parce que dans le contrat, je vous promets que le lien de subordination, il est marqué à chaque page, quoi. Mon avocat me l'a dit un jour, il m'a dit, mais à chaque page, il y a une animation. Oh là, t'as pas le droit de faire ça. Oh là, tu dois faire ça. Tu dois t'habiller comme si. Tu dois dire ça à l'interphone. Dire bonjour, je suis Jérôme, votre coursier, toc toc toc. Je devais dire ça. Tu comprends maintenant pourquoi t'es salarié, Jérôme ? C'est quoi la différence ? Moi, je le sais pas à l'époque. On me dit, bah si t'es salarié, tu sais quoi ? Cette boîte-là. Toc, toc, toc, ils doivent payer des cotisations patronales. Et donc, quand tu t'aperçois que tu es salarié, que tu devrais être salarié, que toc, toc, toc, que Uber devrait payer des cotisations patronales à hauteur des milliers de gens qu'ils embauchent, ils ne pourraient pas embaucher 2000, 3000, 5000 mecs à risquer leur vie pour aller livrer des burgers. Parce qu'en plus, quand tu es payé à la course, tu es payé pour aller le plus vite possible, tu es payé au rendement, en fait. Donc, payer au rendement quelqu'un qui fait un métier dangereux, vous imaginez l'aberration du truc. Donc, on va vers de l'accident. Le code du travail fait disparaître l'insécurité, l'ubérisation la ramène. Et concrètement, vous avez fait quoi? Alors après, quand vous avez réalisé que vous étiez un salarié de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que j'attaque au prud'homme pour créer une jurisprudence, parce qu'en fin de compte, c'est les livreurs qui créent la valeur de ces boîtes-là. Les livreurs créent de la captation de données, en fait, de données clients, parce que c'est ça la valeur d'une start-up, c'est les données clients. Et les données clients, pour l'instant, c'est les livreurs ou les chauffeurs qui permettent de les acquérir, sauf que un jour, en effet, l'automatisation, ces startups-là vont vers l'automatisation et les livreurs n'auront plus d'utilité. Ils retourneront dans les cités où on est allé les chercher. Et là, qu'est-ce qu'on en fera? Parce qu'en plus, ça sera des mecs qui seront dans les cités mais qui seront fait arnaquer pendant 1 an ou 2 ans à être payés, prendre des risques, à être payés de moins en moins, parce que plus ça va, plus les tarifs diminuent. C'est l'offre et la demande. En fait, plus il y a de livreurs, moins on gagne. Et donc les clients, en plus, ça coûte cher de les avoir au niveau marketing, ça coûte cher de les garder. La qualité de service et la rémunération des livreurs, elle baisse. Donc les clients, ils sont pas contents, ils changent de plateforme. C'est volatile, c'est tellement simple de cliquer sur une application ou de cliquer sur une autre application. Le client finit par le perdre. Donc à terme, le marché se casse la figure. Les livreurs vont retourner dans leur cité, donc avec cette idée de s'être fait arnaquer, ils vont retourner dans les cités, mais en plus, ils vont être énervés contre le système. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ? C'est pour ça que j'essaye de faire comprendre aux jeunes, que ce soit les chauffeurs ou les livreurs, qu'il y a une alternative qui existe. Et j'ai rencontré pas mal de gens dans le monde des coopératives, des scopes en fait. Il y a quelque chose à faire parce que le modèle économique de ces sociétés-là, de ces coopératives, le modèle de redistribution des richesses est beaucoup plus éthique en fait. Il est fait pour marcher sur un système local en fait. La livraison de burgers, c'est local, le restaurant il est au local, le client il est local, le livreur il est local, c'est quelque chose qui ne peut pas être délocalisé. Et donc si on arrive à créer une économie locale avec un système de redistribution de la richesse produite, une petite richesse produite mais qui sera redistribuée, et tu t'aperçois qu'en fin de compte ces fameux jeunes de cité qu'Uber va chercher puis après qu'ils lâchent, ou que Deliveroo va chercher qu'après ils virent n'importe comment, si ces jeunes-là peuvent être impliqués au niveau professionnel aussi, au niveau de la décision de ces coopératives, on leur donne et un travail et un rôle. Alors les gens dont vous parlez là, ils auraient quel statut ? Salarié de la SCOP ? Dans une coopérative, voilà, on est salarié sociétaire en fait. Acteur plutôt qu'actionnaire, tu vois. Et c'est de ça dont ils ont besoin les jeunes. Les jeunes de cité qu'on stigmatise. Moi j'ai bossé avec eux, quoi. Pendant des années, j'ai entendu dire que c'était des feignants qui vivaient du RSA ou qui vendaient de la drogue. Moi, j'ai fait du vélo avec eux. Je peux vous dire que c'est pas des feignants. Ils ont envie de bosser. Et même, des fois, on leur dit, tu vas gagner 3 000, viens faire du vélo. Et ben, des fois, ils continuent à faire du vélo, même pour 1 000 balles par mois. Donc, on vient de pas me dire que c'est des feignants. C'est juste des gens qui ont besoin de... Ils ont besoin d'avoir un rôle. Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. salariat n'est pas mort, il bouge encore. Aujourd'hui, tous patrons, avec Claude Idri, Abdel Nasser, Mohamed Sabri, Gérard Filoche, Denis Kessler, Marie-Caroline, Isabelle, Marie, Jean-Pierre Othelli, Julie, Jérôme Pimont. Lecture Nicolas Raca, documentation Sabine Bonamy, merci à Thibaut Cavaillès, prise de son Yann Fressy et Yves Lehors, mixage Valérie Lavalard, coordination Perrine Kervran, assistée de Marie-Vonne Abolivier, une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abad, réalisée par Assia Ralido. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez être auto-entrepreneur, bibliographie, lien, nous podcaster pour rester salarié ou nous réécouter au Prud'homme, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième étape, redonner du sens au travail. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.